Unité 4, entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Exercice 1, situation 1. Et toi, Jackie, tu veux ton café avec ou sans sucre? Sans sucre avec une goutte de lait, s'il te plaît.